Comment traiter avec les aspects? Bon, il y a une procédure à suivre pour ne pas se perdre. J'applique beaucoup sur le fait que un aspect, c'est une réaction, une catalyse entre deux planètes. Et qu'il ne faut jamais perdre de vue la fameuse planète qui est en aspect avec l'autre planète. J'ai vu tellement de gens donner de l'importance à des transits plus que la planète qu'on comprend que des gens ne croient pas à l'astrologie. L'évolution d'un thème, c'est essentiellement basé sur la planète dans le signe. En d'autres termes, vous avez une planète avec une influence X. Je vous donne un exemple. Jupiter, qui est une planète d'expansion, une planète de synthèse. Et le signe vient simplement colorer la dynamique dans laquelle cette expansion-là va se faire. Le signe a moins d'importance dans l'interprétation que la planète elle-même. Donc, pour une personne qui fait une analyse d'aspect, il faut avant tout qu'elle regarde le rapport entre les deux planètes et non pas le rapport entre les deux signes. C'est sûr que si vous avez un carré, vous avez automatiquement un signe négatif qui est en conflit avec un signe positif. En d'autres termes, si vous avez un carré entre le scorpion et le lion étant un signe positif et le scorpion en signe négatif, il y a donc une sorte de conflit de polarité. Une opposition, vous avez encore là, mettons, le scorpion en opposition avec le taureau, c'est un aspect qu'on qualifie généralement négatif, mais qui est moins aigu que le carré parce que c'est deux signes négatifs. Ou ça va devenir deux signes positifs si vous avez une opposition dans le bélier versus la balance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'évolution ou l'interprétation d'une carte, c'est une évolution. Je dis évolution parce que quand on parle d'une carte du ciel, on parle de quelque chose qu'on apprend sur la personne, sur lequel on apprend sur son futur, sur son passé, sur son présent, sur sa psychologie, sur sa caractéristique. Et au fur et à mesure que les événements se déroulent au cours d'une vie, bien, on apprend à voir où la personne en est dans son évolution. Donc, quand je dis évolution, bien, c'est parce que l'interprétation peut se faire à différents points dans la vie, à différentes étapes de la vie, et vous allez avoir une lecture qui va être différente, pas dans le sens, pas dans la base, mais dans la compréhension des effets dans la forme. Donc, dans votre interprétation des aspects, il faut comprendre que les planètes sont dans des mouvements qu'on va appeler les transits. D'ailleurs, il y a un CD qui est fait sur ce point-là, les transits, et que les aspects dans le thème natal, ça indique comment les planètes, qui sont les ressources, ni plus ni moins, de la programmation de la personne, comment ces ressources-là composent ensemble. Les combinaisons alimentaires, si pour ceux qui font de l'alimentation ou qui sont dans de la cuisine, mais ils comprennent un peu le principe des combinaisons alimentaires, bien, les aspects qui sont qualifiés de dissonants ou d'inharmonieux quand ils sont en carré ou en opposition, et certaines conjonctions qui, comme je l'ai expliqué dans les autres fichiers, Uranus conjoint ou Pluton conjoint une planète, ben ça c'est considéré difficile parce qu'à cause de la nature même de la planète, ben c'est comme prendre exemple des épices avec de la crème glacée. T'sais. Fait que l'évolution d'une personne, c'est une évolution qui se mesure sur ce qu'elle est capable d'intégrer des différents niveaux planétaires. Quand je parle de niveaux, je parle de l'influence de planètes Uranus, Neptune, Pluton, qui sont des niveaux collectifs et sociaux. Et les niveaux individuels sont évidemment les autres planètes qui sont Soleil, Mercure, Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Et si on regarde une évolution individuelle versus une forme de développement ou d'individualisation collective, bien, il y a des grosses variantes. Donc, des aspects entre des planètes à caractère intime ou individuel au niveau de Soleil à Jupiter, ça a un effet particulier qui est très, très différent que des aspects planétaires entre les trois qui ont un côté collectif, c'est-à-dire Uranus, Neptune, Pluton. Les gros changements, les grands bouleversements de vie sont liés justement aux planètes collectives. Pourquoi? Parce que l'individu est confronté à des forces sociales et non plus à des forces intimes, à des forces privées. Donc, dans l'interprétation des aspects, vous devez regarder beaucoup plus les aspects planétaires entre planètes collectives et entre planètes collectives et planètes intimes. Entre planètes collectives, exemple Pluton-Neptune, ça a un impact sur la vie de la personne qui est énorme. Exemple, vous pouvez vivre une expérience dans un drame social, un feu, comme là, il y a des feux à Vancouver, des choses du genre, et vous êtes mêlé à une collectivité. C'est une expérience personnelle, mais qui est vécue collectivement. Donc, c'est généralement marqué par des aspects comme Neptune, Uranus, Pluton, qui sont en aspect entre eux autres, ou des grosses planètes comme Saturne, Jupiter, qui sont en aspect avec des planètes comme Uranus, Neptune, Pluton. Quand vous tombez dans une interprétation des aspects, par exemple Vénus-Mercure, ou Mercure-Soleil, ou des choses du genre, c'est pas que ça n'a pas d'impact, mais c'est privé. C'est comme un secteur plus intime dans la vie de la personne. C'est pas là que les grands courants ou changements de vie vont se faire. C'est là, par contre, qu'on va voir comment la personne peut développer des talents, développer des ressources personnelles pour sa vie personnelle, pour savoir comment gérer sa vie. Tu sais, une personne peut avoir un génie puis être un très mauvais gestionnaire de sa vie privée, donc peut avoir des positions planétaires en planète collective, comme je parlais tout à l'heure, et avoir vraiment un impact public phénoménal, mais avoir beaucoup de dissonance dans ces planètes privées, là, Vénus, Mars, Lune, et subir une vie privée difficile et être avantagé par un prestige extraordinaire sur le plan public. Et encore là, comme je vous dis, ben, les signes, ben, c'est simplement la sauce dans laquelle vous allez mettre votre poulet. C'est une façon de parler, là, dans le sens que je parlais de cuisine tout à l'heure. Fait que si vous avez une planète qui représente tel impact dans la vie, Mars, exemple, la combativité, la participation, Saturne, la capacité de contenir le temps, la résistance, l'intégration, bien, quand vous avez ces aspects-là dans un signe, bien, le signe va simplement donner l'ambiance dans laquelle vous allez intégrer, si on parle de Saturne, dans laquelle vous allez vous battre si vous avez Mars. Mais l'effet ou la puissance ou l'impact de la planète n'est jamais diminué. Allez jamais dire à une personne que c'est mieux d'avoir un Mars en bélier versus un Mars en poisson. C'est simplement une sauce différente. Le Mars en poisson, il va probablement être plus sournois, plus caché, mais il va avoir une fonction aussi dans la société de ne pas donner d'impact. Comme exemple, un Mars en bélier va créer énormément de ravages dans son combat parce que lui, sa fonction, c'est plus explosif, plus expressif. C'est plus radical aussi dans un sens. Mais Mars, c'est Mars. Pensez pas que Mars est diminué dans un autre signe. Il est simplement, il se présente différemment. Vous pouvez, exemple, un Mars en balance, ça fait des bons avocats. Fait que vous pouvez avoir des gens qui font autant de dégâts avec une cause qu'une bombe placée dans le métro. Donc, il faut faire attention dans l'impression qu'on se fait qu'un signe est moins fort qu'un autre. C'est sûr que vous êtes impressionnable, donc vous allez avoir tendance à faire une interprétation qui est en fonction de cette atmosphère émotionnelle que vous avez vis-à-vis de l'impression d'un signe. Mais il n'y a pas de planète moins forte dans un thème que dans l'autre. C'est juste que la combinaison des aspects et de où c'est placé dans la carte du ciel, j'entends en termes de maison en particulier, va définir si la personne a un rôle public ou un rôle qui est plus privé. Il y a des gens qui ont autant de mérite à bien travailler en privé, puis à être, je dirais, un petit peu isolés. Ils ne sont pas sur la scène politique, en d'autres termes. Mais ils sont capables d'avoir des modes de vie qui ont quand même beaucoup d'impact dans la société, dans une société qui leur est propre. T'sais, si vous êtes présidente d'un groupe de bingo, ça ne veut pas dire que vous avez une vie moins importante. Ça veut juste dire que votre importance est limitée à un groupe de personnes, un groupe de personnes pour une situation donnée, et que tout le monde a le droit d'évoluer, puis tout le monde a besoin d'une certaine influence, d'un certain leadership temporaire vis-à-vis d'une personne, et vous allez être la personne qui va s'occuper de ces gens-là pendant X temps de votre vie. Et éventuellement, vous allez être remplacé par une autre personne qui aura des transits similaires aux vôtres. Donc, dans vos interprétations, les jugements de valeur, c'est très, très dangereux, surtout quand on touche les aspects, parce qu'on a tendance à diminuer les gens qui ont des quadratures, puis à mettre en épingle les gens qui ont des trigones ou qui ont des conjonctions qu'on qualifie de supérieurs à. Je peux vous dire par expérience que les gens qui ont le plus marqué la société, c'est des gens qui ont beaucoup de quadratures dans leur cas. Pourquoi? Parce que les conflits ou les combats ou les différences qu'ils ont été obligés de traiter ou les oppositions de vie intérieure, dans le sens de pensées contradictoires qu'ils ont connues dans leur expérience de vie, les a obligés, ni plus ni moins, à résoudre des problèmes complexes pour eux-mêmes et éventuellement avoir un talent quasi naturel à résoudre les problèmes complexes d'un environnement social. N'oubliez pas, tous les changements partent d'un individu. Et l'individu doit résoudre ses démons intérieurs, ses conflits intérieurs pour en arriver à émaner une idée et une action publique et sociale qui va avoir un impact sur une collectivité et souvent pour de longues années. Tout être humain est ainsi composé qu'il pense à lui en premier et aux autres en deuxième. Et pensez pas que les gens pensent aux autres en premier et à eux après. Ça n'existe pas, ça. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Donc, les aspects affectent l'individu et on pourrait dire infectent son environnement. Dans le bon sens, dans certains cas, et dans le mauvais sens, dans d'autres. Tout ce qu'une personne règle pour elle-même, c'est un avantage qu'elle, disons, dans un sens, qu'elle donne à d'autres. Donc, quand vous interprétez une carte du ciel, les dissonances, c'est des occasions de vivre des luttes intérieures, des luttes internes énormes, qui vont éventuellement avantager un environnement quand elle va être en mesure de résoudre le problème. Mais tant que le problème n'est pas résolu, ben, il y a conflit potentiel. C'est sûr que dans une interprétation des aspects, comme je vous l'ai dit, quand vous touchez des planètes comme, je sais pas moi, Soleil, Jupiter ou ces choses-là, on a tendance à penser que la personne a une cause sociale à défendre. Les causes sociales, c'est Neptune. Cherchez pas ailleurs, il n'y en a pas d'autres. Une conjonction Soleil-Jupiter, c'est comme quelqu'un qui gagne la loterie. Il prend le magot, puis il donne de l'argent aux autres pour se décharger du sentiment de culpabilité d'être plus riche que son environnement et pour ne pas avoir de jaloux autour de lui. Pensez pas qu'il est généreux, il veut avoir la paix. Fait qu'une conjonction Soleil-Jupiter, c'est intime, c'est privé, c'est pour la personne. Par contre, si vous avez une conjonction Soleil-Neptune, ben là, on peut dire d'une personne qu'elle vit des grandes causes. Pourquoi? Parce que vous avez une planète qui touche l'intimité avec une planète qui compose avec la collectivité. Et c'est là que les rôles sociaux ou d'importance publique peuvent apparaître. Puis pensez pas qu'une personne qui a un rôle public parce qu'elle a une conjonction Soleil-Pluton, Soleil-Uranus ou Soleil-Neptune a une vie plus belle. Elle a des obligations plus grandes, simplement. Et elle a aussi une vie qui est marquée par des conflits ou des combats intérieurs qui vont devoir éventuellement s'émaner vers l'extérieur. Ne perdez jamais de vue que toute personne est égocentrique et même égoïste et que tout ce qu'elle fait pour les autres, c'est parce qu'elle doit l'avoir fait avant pour elle-même. L'évolution de ses besoins dans les aspects sont nuancés ou sont, comme on dit, bien présentés ou bien maquillés selon la nature du signe dans lequel les planètes sont. Fait que si vous avez un Mars, disons, trigone Jupiter, ben votre Mars il est en bélier puis il est en trigone avec Jupiter en lion. En passant, les trigones, c'est toujours à l'intérieur des mêmes signes, feu ou air. Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, vous allez avoir l'avantage d'une force de feu par le trigone, Mars en bélier, Jupiter en lion, et vous allez avoir l'avantage de sentir une force positive, parce qu'un signe de feu, c'est positif. Puis vous allez sentir un besoin de développer beaucoup d'impact dans le mouvement. Mais c'est simplement une coloration, parce que si vous prenez un Mars en scorpion avec un Jupiter en cancer, le même mouvement d'impact martien et jupitérien va être aussi là, mais ça va avoir tendance à se tourner vers quelque chose qui a un caractère plus affectif, plus émotif, plus dramatique. Et ça va avoir autant d'intensité, mais dans un maquillage, dans une présentation différente. Une personne qui fait rire dans un film, puis qui fait un bon film comique, le film est aussi bon qu'un bon film dramatique. Donc, si vous partez du principe qu'un bon film comique, ça peut être un signe d'air, un bon film d'action, ça peut être un signe de feu, puis un bon film dramatique, ça peut être un signe d'eau, bien, vous comprendrez que c'est pas parce qu'on change la nature de la musique qui est de l'imagerie ou de l'impression qu'on crée avec le film qui fait que le film est meilleur qu'un autre. C'est simplement comment il est structuré, comment il est organisé. Mais son émotivité ou son affection qu'il peut engendrer pour le public peut être équivalent. C'est ça qui est important de comprendre quand on fait une analyse, une procédure dans l'analyse des aspects. L'autre chose aussi, donnez pas trop d'importance aux quadratures. En d'autres termes, mettez pas trop de sentiments à la façon. Mais ça, j'en ai parlé dans l'autre fichier, mais je vais le répéter parce que ça peut fausser votre procédure. Il n'y a pas d'aspect plus important autre que ce que je vous ai parlé. Les aspects collectifs, Uranus, Neptune, Pluton, entre eux, c'est rare, mais en général, quand il y en a, ça a de l'impact. Et après ça, quand vous le voyez dans le signe, pour savoir quelle saveur que ça va avoir, puis où est-ce que ça va se passer, c'est dans la maison. Les maisons, si vous êtes capable d'avoir des heures de naissance précises, vont vous faire voir où ça se passe. Mais ça n'a pas d'importance où ça se passe. Ce qui est important, c'est ce qui se passe. Puis ce qui se passe, c'est les deux planètes. Puis le comment ça se passe, c'est les signes. Puis le où ça se passe, pour les curieux, ben, c'est dans les maisons. Je pense que là-dessus, je suis assez clair. Et quand vous avez une planète personnelle avec une planète collective, quand je dis personnel, je réfère toujours aux fameuses planètes de Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ben, quand on réfère à ça, entre planètes, disons, personnelles et planètes collectives, ben, vous avez à comprendre l'impact de votre vie privée sur la collectivité et l'impact de la collectivité sur votre vie privée. Et il faut également, quand ça tombe juste dans des planètes personnelles entre planètes personnelles, comprendre que c'est très important votre vie privée, autant que votre vie publique, et que ces planètes-là, comme Jupiter, Mars, ou Jupiter, Vénus, ces choses-là, c'est des aspects qui ont, disons, quand même beaucoup d'importance pour développer des talents et développer des ressources. Que ce soit des aspects négatifs ou des aspects positifs, positifs dans le sens que ça vous donne une facilité, et négatifs dans le sens que ça vous crée des difficultés. Considérez tout le temps que même si c'est facile, ça peut être pas compliqué, mais il y a un effort à faire. C'est pas, comme exemple, Mars avec n'importe quelle planète, il y a toujours un effort. Saturne avec n'importe quelle planète, même en bon aspect, ça impose toujours une rigidité puis une résistance. C'est juste qu'en quadrature, la résistance est augmentée à des niveaux qui peuvent devenir surhumains dans certains cas. Bon, fait que c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a des structures planétaires comme Vénus, ça va toujours avoir tendance à vous dilater. Quand c'est en quadrature, ça vous dilate trop. Donc, c'est là que ça vous met en danger. Donc, il faut toujours comprendre que la planète n'est pas altérée, qu'elle n'est pas facilitée ou rendue plus facile parce qu'elle est en trigone ou en bon aspect, ou en sextile, exemple. C'est toujours une situation qui demande à être regardée selon la nature même de la planète et éventuellement à la sauce du signe et où ça se passe dans la maison. J'espère que ça éclaire beaucoup votre interprétation. Et si jamais il y a d'autres questions, ben gênez-vous pas, on en fera une autre série. L'élément qui intrigue le plus les gens en astrologie, c'est le destin. Quand on étudie les planètes, on connaît le potentiel. Quand on étudie les signes, on sait dans quel climat on va vivre notre potentiel. Puis quand on étudie les maisons, on sait avec qui on va vivre notre potentiel. Ou dans quelles conditions sociales on va vivre notre potentiel. Mais on ne sait jamais quand est-ce que notre potentiel va déclencher. Et souvent, c'est les aspects planétaires qui ont établi une signature dans notre programmation. qui établit l'intensité de ce fameux potentiel-là de la planète dans le signe et dans la maison. Et ces aspects-là, évidemment, ont, à un moment donné, à être déclenchés. C'est comme, je vous dirais, un peu comme des barils de dynamite qui sont là en potentiel pour faire sauter un pont, pour faire sauter des caps de roche, pour faire passer quelque chose. En tout cas, ils sont là comme des événements clés, des événements essentiels pour carrément transformer votre vie. Mais ça ne se déclenche pas n'importe quand. On va dire souvent que Mercure, c'est l'âge de l'adolescence, que Saturne, c'est l'âge de la quarantaine, que Jupiter, c'est l'âge de la trentaine, et que le cancer, c'est le signe de la petite enfance et le signe de la vieillesse. Ça donne certains indicateurs, mais ça ne dit pas quand, le fameux quand ça se passe, parce que les gens sont toujours préoccupés à quand ça se passe. Et dans les aspects qu'on a dans notre thème, entre les planètes, ben, il y a évidemment les transits. Les planètes se déplacent, eux autres, on a pris une photographie à votre naissance, mais les planètes continuent de se déplacer. Et dans leur déplacement, ils forment évidemment des transits et réveillent les fameux aspects qui sont là dans notre thème natal. Fait que dans notre thème natal, si vous avez, je ne sais pas moi, Neptune, Trigone, Lune, qui donne des facultés intuitives hors de l'ordinaire, une imagination pour faire de la peinture, pour faire des arts, pour faire n'importe quoi de spécial. Bien, quand vous avez un aspect lunaire qui passe dans l'année, ça réveille, dans ce cas-là, la Lune, c'est une fois par mois, les jeux de Neptune. Puis quand c'est Neptune qui passe en transit sur la Lune, à un moment donné, bien, ça réveille très fortement des mouvements créatifs, au point que la personne peut avoir une reconnaissance publique, peut avoir un diplôme, peut carrément passer à la télévision, puis faire vivre à la personne un effet, comme on dit, Star Academy, là, faire vivre une reconnaissance publique majeure. Mais ces transits-là, évidemment, c'est pas le sujet de ce CD-là, ça va être dans l'autre prochain CD qui va parler des transits. On va expliquer comment les transits déclenchent l'événement et comment on peut dater les événements. Mais on peut dire que les aspects planétaires qu'on a dans notre cap sont ni plus ni moins les ondes qui vont être éventuellement déclenchées par des transits et qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'importance pour savoir quand ça se passe. À l'adolescence, à la jeunesse, à plusieurs reprises. Je disais dans le CD sur Pluton, Neptune et Uranus que Pluton, quand il était en quadrature ou en opposition avec Saturne, c'était un indice de la mort. Bon, c'est sûr que quand vous avez un transit qui passe sur un aspect natal de votre carte, avec des jeux de Pluton ou de Saturne, vous pouvez savoir à peu près un jeu d'à peu près un mois que vous allez vivre un événement majeur. Mais c'est une situation qui demande d'être interprétée avec beaucoup de pondération. Si vous avez une interprétation qui est un petit peu trop rigide, vous allez dire, bon, c'est la mort. Alors que ce n'est pas la mort, c'est une possibilité de mettre un terme à quelque chose d'important dans votre vie. Ça peut être une mort parce que vous faites faillite. Ça peut être une mort parce que vous avez une psychologie qui demande à être modifiée, qui demande à être transformée. Ça peut être la mort parce que vous avez une nouvelle façon de comprendre votre émotivité ou votre vie affective. Donc, le concept ou le mot mort peut prendre beaucoup de nuances. Il y a des gens qui perdent le goût de vivre, mais ils sont encore en vie. Et ils doivent être réanimés dans une autre expérience, dans une expérience de vie intime, dans une expérience de vie professionnelle, pour être ramenés à la vie. Mais ils sont encore vitalement, au niveau corporel, ils sont toujours en vie. Donc, il faut faire attention dans notre interprétation. Et il y a des transits, il y a donc des mouvements d'aspects qui sont natals dans notre carte, qui sont réveillés, qui peuvent se réveiller plusieurs fois au cours de notre vie. Donc, quand on a à lire les signatures des événements de notre existence, on peut avoir à passer 5 à 6 fois le même test. Il y a des gens qui se divorcent 6, 7, 8, 15, 20 fois. Ils ont tellement de partenaires que c'est des divorces une fois par 6 mois. Ils n'ont pas nécessairement compris à chaque événement, mais à chaque événement, ils ont un test. Et puis le test pour eux, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent partager, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils ne partagent pas, c'est de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Puis le test se représente tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait de prise de conscience. Mais à chaque fois, c'est des transits qui vont permettre de voir comment la rencontre se fait, pourquoi la rencontre se fait, puis pourquoi ça doit éclater en telle ou telle circonstance. Donc, les aspects sont, dans un sens, assez importants parce qu'ils voient qu'est-ce qu'on a comme potentiel Et éventuellement, dans votre interprétation, vous allez voir comment les transits déclenchent ces fameux aspects-là. Je vous donne une petite idée. Les planètes qui sont déclencheurs sont, par ordre de priorité, Mars, Mercure et Vénus. Je dis Vénus, c'est smooth, ouais, mais ça peut être des événements positifs qui sont déclenchés. Ça n'est pas obligé toujours d'être des éléments négatifs. Vous avez ces trois planètes-là qui sont des éléments déclencheurs. À moindre effet, c'est la Lune et le Soleil. Je dis à moindre effet parce que des fois, c'est plus une expérience de réflexion intense, mentale, que vous, étant donné que vous ne voyez pas d'événements, vous ne donnez pas tellement d'importance à ça. Mais Soleil-Lune, souvent, ça va jouer avec l'imaginaire ou ça va jouer avec le centre décisionnel d'une personne. Ça peut être aussi banal que de décider de ne pas acheter telle chose qui occasionne un changement important dans votre vie à ce moment-là. Vous décidez de ne pas acheter une maison. C'est un événement important. Pourtant, il n'y a rien qui s'est passé, mais ça a un effet solaire, c'est-à-dire que ça va jouer sur votre centre décisionnel. Vous décidez de ne pas changer de job. Vous décidez de ne pas faire quelque chose. Il n'y a rien qui se passe au niveau de la forme, mais ça a beaucoup, beaucoup d'impact sur l'évolution de votre personnalité, l'évolution de vos relations avec les autres. Fait que les transits qu'on va parler plus tard, ben, c'est ça que ça fait, mais c'est marqué dans les aspects. C'est les aspects qui indiquent comment les choses vont être déclenchées et en zone d'intensité. Quand un aspect se répète en transit, on appelle ça une réminiscence. Et les réminiscences sont les aspects planétaires les plus importants dans une carte du ciel, parce que c'est eux autres qui marquent vraiment votre destinée. L'interprétation des aspects, c'est probablement la dimension la plus subtile de l'interprétation. On parle souvent de donner une coloration à notre interprétation en donnant des détails ou des nuances. C'est à travers justement les aspects qu'on réalise ça. L'élément le plus important, c'est de comprendre les planètes pour faire une bonne interprétation des aspects. On sous-entend également que les gens ont une bonne compréhension de chaque signe et qu'ils sont délivrés de cette tendance à toujours raccorder un signe à la position solaire. On est tellement habitué d'entendre dire « je suis lion, je suis sagittaire » qu'à un certain moment donné, on n'est pas capable de faire une interprétation pour les planètes. Donc, une personne qui comprend mal son signe astrologique et qui ne comprend pas parfaitement les planètes a de la difficulté à jouer avec les aspects. Parce que finalement, l'aspect, c'est simplement une capacité de faire voir comment deux planètes se combinent positivement ou négativement pour permettre à un événement de se créer. L'aspect, c'est le catalyseur d'un événement. Vous ne pouvez pas, généralement, dire à une personne qu'il va se passer telle ou telle chose dans sa vie sans qu'il y ait un aspect dans le portrait. Un aspect en transit ou un aspect natal, le transit étant l'élément déclencheur de l'événement en question. Mais il en demeure pas moins que pour en arriver à faire une interprétation intelligente de l'aspect, il faut être capable de comprendre parfaitement ce qu'il y a à saisir clairement entre la planète qui va jouer avec une autre planète et son signe. Donc, on parle ici d'une évolution de l'interprétation qui donne du détail. Et ce détail-là, ben, on l'aborde. On parle des aspects comme étant les conjonctions, les carrés, les oppositions et les trigones. Je ne m'occupe pas des sexticarés ou des sexitrigones ou ces choses-là. Ça, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. On commence par la conjonction. La conjonction, c'est théoriquement deux planètes qui se combinent ensemble, une à côté de l'autre. C'est-à-dire que si vous avez une conjonction de deux planètes, ils sont automatiquement dans le même signe ou très proches l'une de l'autre. C'est-à-dire, exemple, vous avez un soleil à 1 degré du Sagittaire et vous avez une lune à 28 degrés du Scorpion. Il y a ici conjonction, c'est pas dans le même signe, mais comme il y a un orbe d'à peu près 5 à 6 degrés sur une conjonction, ben, vous pouvez considérer que le mouvement de conjonction est effectif. C'est-à-dire donc qu'à 5 degrés en arrière, 5 degrés en avant, donne un total de 10 degrés, vous êtes capable d'interpréter la carte comme étant une conjonction, même si ce n'est pas dans le même signe. C'est évident que si c'est à 21 degrés du Sagittaire et que vous avez une autre planète qui est à 18 degrés du Sagittaire, ben, vous avez automatiquement conjonction là, dans le même signe. Mais comme je vous dis, la conjonction, c'est un orbe, c'est pas le fait que ça soit dans le même signe. Donc, si c'est Scorpion-Sagittaire, la conjonction est valable. Ça peut être dans d'autres signes aussi, là, je donne ça à titre d'exemple. Donc, si on dit conjonction dans un signe similaire, ben, ça permet de confirmer une capacité d'accentuer l'intensité de cette structure astrologique, peu importe le signe. Et s'il y a conjonction dans deux signes différents, bien là, évidemment, c'est plus nuancé, c'est plus sophistiqué comme interprétation. Ça va exiger que, justement, vous ayez une excellente compréhension des signes et de voir comment la planète d'un conjoint à l'autre dans des signes différents peut arriver à créer une perception subtile. Considérer le fait qu'une conjonction, ça peut être dans deux signes différents, au même titre que l'opposition, qui est son opposé, évidemment. Donc, conjoint suppose très proche, donc suppose un effet amplifié de la planète maîtresse. Si vous avez le Soleil, c'est plus important que Mercure. Donc, Mercure conjoint à Soleil, Mercure va inévitablement amplifier le mouvement du Soleil plutôt que le Soleil amplifier le mouvement de Mercure. Il y a des planètes qui sont plus fortes dans le sens qu'elles ont plus d'impact ou d'importance. Je vous donnerai un exemple de ça. Une conjonction, c'est un exemple, là, je ne ferai pas tous les signes. Une conjonction de Mercure-Soleil en Gémeaux. Mercure en Gémeaux, c'est une position maîtresse pour Mercure parce que c'est le maître du Gémeaux. Et on a le Soleil, évidemment, qui est une planète très forte, qui domine par le fait que cette planète-là, le Soleil, c'est l'autorité, c'est le centre décisionnel de la personne. Bon, Soleil-Mercure-Gémeaux, le Soleil va donner un pouvoir décisionnel au système ou aux capacités d'analyse de Mercure en Gémeaux. Avec Mercure en Gémeaux, en soi, c'est une position qui favorise énormément une compréhension des détails, de l'analyse, des langues et d'une multitude de choses qui exigent beaucoup d'analyse. Bon, mais en plus, le Soleil vient donner de l'ampleur à ça et va donner un pouvoir, une force décisionnelle dans la conjonction sur Mercure. L'effet de Mercure sur le Soleil, ça va simplement donner des décisions bien éclairées, bien analysées, bien interprétées. Dans le Gémeaux, qui est généralement très confus parce qu'il est multiple, parce qu'il est influencé par de multiples influences, ben, l'effet de Mercure va simplement donner une subtilité et un détail à ces éléments-là. Voyez que l'effet du Soleil sur Mercure donne une amplification qui a beaucoup plus d'impact sur la construction de l'individu, alors que Mercure conjoint au Soleil donne au Soleil une assistance, un secrétaire très compétent à l'arithmétique de compréhension de ses décisions. Maintenant, si on passe à une compréhension de l'aspect opposé à la conjonction, l'opposition, c'est deux signes en opposition ou c'est un signe opposé à une planète dans un autre signe qui n'est pas opposé. Je vous donne un exemple. Vous avez le Soleil à 1 degré du Bélier et vous avez en opposition une planète comme, je dirais, Uranus, qui est à 28 degrés de la Vierge. 1 degré du Bélier, 28 degrés de la Vierge, ça fait une opposition. Si on aurait eu une opposition claire, on aurait eu 1 degré du Bélier et 2-3 degrés de la Balance, et là, on aurait eu une opposition parfaite, là, une opposition de signe à signe. Le Bélier étant opposé à la Balance, le Soleil étant à 1 degré du Bélier, opposé à Uranus en balance à 3-4 degrés, ça aurait été une opposition franche d'un signe opposé à un autre signe, parce que la balance et le bélier sont opposés dans le zodiaque. Mais si vous avez Uranus à 28 degrés de la Vierge, juste un petit peu avant la balance, et vous avez un soleil en bélier à 1 degré, vous avez quand même une opposition à cause du 5 degrés d'ordre qu'on doit respecter. Comme là, Uranus est opposé dans la Vierge et au soleil qui est en bélier, ben là, il faut avoir encore là des nuances dans l'interprétation. Dans un cas comme celui-ci, c'est encore à titre d'exemple, il est évident que l'individu n'a pas à essayer de trouver une opposition entre le bélier et la Vierge. Il a à essayer de trouver le pourquoi il y a opposition entre le soleil et Uranus, les signes n'étant pas opposés un par rapport à l'autre. Donc, dans le cas d'Uranus en Vierge, on va dire que la personne a beaucoup à traiter avec les imprévus dans le quotidien, a beaucoup à traiter avec les imprévus dans ses conditions de travail et dans sa santé, et que c'est souvent lié à une sorte de conflit qu'il a avec son caractère, sa volonté de toujours vouloir faire les choses instantanément, spontanément, typique au bélier. Parce que le soleil en bélier, c'est rapide, c'est spontané, c'est explosif, ça n'attend pas. Et là, on pourrait dire, bien, à cause de cette opposition-là, la personne a un tempérament extrêmement irritable, irrité, et que c'est souvent à cause de son quotidien, parce que c'est en Vierge, Uranus, et qu'à cause de son tempérament bélier, fonceur, martien, ben, il a tendance à ne pas être capable d'attendre que les choses se fassent à une rythmique naturelle. Donc, cette opposition-là est nuancée. Si ça aurait été en balance, on aurait dit que la personne n'est pas capable de traiter avec ses relations et ses contrats. Et pas capable, ça veut dire qu'elle n'est pas capable d'attendre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable au niveau du contrat formel. Elle est capable de faire un contrat formel, mais à condition que ça soit sur son time frame. Parce que Uranus en balance donnerait une caractéristique d'empressement à traiter ses contrats et à vouloir les traiter rapidement dans des zones très imprévisibles et qui ne sont pas sujets à être préparés dans le temps. Puis le bélier accentuerait cette dimension-là. Vous voyez que c'est des nuances dans l'interprétation, mais c'est des nuances que quand l'individu doit les traiter, il doit bien comprendre que c'est ça qui fait que la personne comprend les événements de sa vie. Parce que c'est dans l'aspect qu'on comprend les subtilités, les détails de l'événement en soi. C'est la différence entre dire à quelqu'un, tu vas avoir un accident, puis tu vas avoir l'herbe à puce. Ça peut être le même effet planétaire, Neptune, exemple. Neptune, ça donnerait un accident dans le brouillard, puis dans un autre cas, dans un signe de terre, ça va donner l'herbe à puce. C'est deux irritants, mais pas pour les mêmes raisons. Comprenez-vous un petit peu la nuance? Bon, fait que c'est... Là, les gens vont dire, ben, ce qui est important, c'est de dire qu'il va y avoir un accident ou un événement malheureux. Oui, peut-être, mais il y a des gens, des fois, qui veulent avoir un petit peu plus de détails dans quelles conditions la situation va se faire vivre. T'sais, dire à quelqu'un, ta femme va en voyage, puis dire, ta femme va divorcer, il y a des nuances. T'sais, c'est pas parce que quelqu'un s'en va pour 3 semaines qu'il divorce, mais il y a une séparation, mais c'est pas un divorce là, comme tel. Bon, j'ai vu beaucoup de gens faire des interprétations comme ça, dire ah, il va se passer de quoi cet été là, jouer une grosse séparation, puis c'était juste une prise de distance, la femme s'en allait en voyage pour 3 semaines. C'est ça le jeu de l'interprétation, de voir à quel point ça peut être intense, puis c'est de comprendre justement l'importance des planètes. Quand on prend des planètes comme Mercure, qui sont des planètes neutres, ben, ça n'a pas le même niveau d'intensité qu'une affaire comme Pluton ou Uranus ou Neptune. T'sais. Fait qu'on ne peut pas mettre le même accent sur un aspect planétaire mercurien puis sur un aspect planétaire en transit de Uranus, Neptune ou Pluton, qui sont des planètes lourdes. Bon, l'opposition et la conjonction. Les gens me posent la question souvent, qu'est-ce qui est positif puis qu'est-ce qui est négatif? Même il y en a qui vont dire, qu'est-ce qui est mauvais puis qu'est-ce qui est bon? Bon. Rien est mauvais, rien est bon, c'est simplement comment l'individu traite avec l'événement. On va dire un exemple, une conjonction Soleil-Jupiter, en principe c'est bon, mais ça peut donner à une personne excessive qui vit là, dans une luxure totale. Est-ce qu'on peut considérer qu'une conjonction Soleil-Jupiter c'est négatif à ce moment-là? Non, pas nécessairement. On peut avoir une conjonction Soleil-Jupiter et informer l'individu que c'est important d'avoir de la contenance. Je vous donne un exemple. Une conjonction Soleil-Jupiter en Capricorne est plus sujet à avoir de la contenance dans le temps qu'une conjonction Soleil-Jupiter en bélier, qui lui va essayer de prendre le maximum d'opportunités possibles au moment où les événements passent. Une personne qui a une conjonction Soleil-Jupiter, en principe, c'est positif. Positif en voulant dire que ça donne beaucoup d'opportunités, ça favorise beaucoup l'individu dans la nature du signe. Et ça, j'applique beaucoup là-dessus, parce qu'un Soleil-Jupiter conjoint en bélier, puis un Soleil-Jupiter conjoint en vierge ou en signe de terre, ça donne pas le même impact du tout dans les opportunités. Ça se vit pas pareil. Et ça ne donne pas, dans la forme, les mêmes résultats non plus. Fait que de là annoncer à une personne qu'une conjonction Soleil-Jupiter, c'est chanceux, attelez-vous à dire que c'est pas nécessairement la 649 qui vont gagner, que ça peut avoir énormément de variantes sur le rapport de gain ou de facilité. Donc, moi, personnellement, quand j'aborde les aspects, je le prends autant neutre pour une quadrature et une opposition, que neutre pour une conjonction et un trigone. Pourquoi? Parce que je ne m'invite pas à juger l'événement. Je le regarde simplement comme quelque chose qui est favorable à vivre telle chose. Et puis, quand ça va mal, une quadrature ou une opposition, je considère que c'est aussi valable et aussi nécessaire de passer par la merde pour comprendre la vie, que souvent on comprend bien mieux quand ça fait mal, que essayer de comprendre des choses qui sont positives où on ne veut pas comprendre parce qu'on pense qu'on est Dieu dans ce temps-là. On a l'impression que c'est nous autres qui sommes à l'origine du résultat positif, alors que c'est simplement les planètes qui favorisent une situation. Fait que quand quelqu'un gagne une loterie, il n'y a rien à foutre là-dedans, lui, c'est pas son intelligence qui l'a gagné. Quand tu gagnes un héritage, c'est toujours pas toi qui l'as travaillé. Fait que c'est toujours une situation de faveur que le karma te donne, mais qui n'est pas considéré positif à outrance, parce que c'est pas une affaire de mérite, la vie, c'est une affaire réellement de programmation. Fait que vous êtes programmé pour vivre quelque chose de dur, pour faire des prises de conscience, puis vous avez des programmations, des fois, qui sont plus faciles pour faire d'autres genres de prises de conscience, ou pour faire vivre des choses à des gens autour de vous qui sont défavorisés par rapport à votre avantage, pour comprendre des aspects de votre vie et de la vie que les gens doivent comprendre pour eux-mêmes, dans la jalousie ou l'envie qu'ils ont par rapport à vous. Fait que faut faire attention dans la notion de bon aspect et de mauvais aspect. J'ai vu trop de gens dire « Ah, il va t'arriver des affaires épouvantables », alors que les affaires épouvantables, c'était des tournants de vie essentiels pour comprendre. Exemple, une femme vivait, deux divorces d'une année. Puis à la fin de l'année, elle était plus intelligente qu'au début, parce qu'au début de l'année, elle était passionnée, émotionnelle, et puis elle était extrêmement naïve. Fin de l'année, elle n'était plus. Elle avait une vision de l'homme qui était beaucoup plus froide, donc plus intelligent. Fait que le mauvais aspect avait donné quelque chose d'intelligent à la vie de la personne, alors qu'un bon aspect l'aurait embarqué dans une passion où il aurait perdu son identité. Fait que, faut faire attention dans l'interprétation du bon et du bien et du mal, ou du bon et du mauvais, en ce qui concerne les planètes. Fait que j'en viens à ce moment-là à l'aspect de l'opposition, qui est l'opposé finalement de la conjonction. Et là, si vous me demandez en quoi c'est un mauvais aspect, je vous dirais en rien. J'aime mieux avoir une opposition qu'une quadrature, parce qu'une opposition, c'est comme rouler sur l'autoroute puis voir une auto qui dérape de l'autre côté et qui s'en vient sur notre côté, qui se présente pour nous faire vivre un face-à-face. Ben, l'avantage, c'est qu'on voit venir le problème dans l'opposition. Tandis que la quadrature, ben, c'est quelqu'un qui sort dans une voie perpendiculaire à nous, là, on roule sur la route, puis le gars fait pas son stop, puis il nous frappe dans le côté. Fait que, on le voit pas venir. La quadrature, dans un sens, est plus incisive. Vous allez me dire, bon, est-ce qu'il y a un avantage à vivre une opposition ou une quadrature? Ben, ça dépend de la nature d'entêtement de l'individu. En général, les planètes, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ils font vivre une programmation. Fait que votre programmation, l'objectif de votre vie, c'est de faire des prises de conscience. Donc, l'opposition, c'est de vous donner un avertissement sérieux. La quadrature, il n'y a plus d'avertissement. Vous prenez le choc. Carré. C'est bien rare que dans une quadrature, vous êtes averti. Vous êtes carrément frappé. Dans l'opposition, ben, il y a encore une possibilité d'éviter, parce qu'il y a prise de conscience d'avance de la situation. Vous voyez venir l'opposition. Dans l'opposition. Mais dans une conjonction, exemple de Pluton, Uranus, à des planètes majeures comme la Lune, le Soleil ou Jupiter, c'est la conjonction de Pluton est généralement considérée comme extrêmement difficile parce qu'elle habite Light. Les gens qui ont des conjonctions Soleil-Pluton, ils ont l'enfer collé sur leur volonté. Ceux qui l'ont en opposition à leur Soleil-Pluton, ben, ils voient l'enfer l'autre bord de la rue. Donc l'opposition est moins violente que la conjonction tenant compte de cette planète-là. Fait que dire, bon, ben, la conjonction, toutes les conjonctions sont bonnes. Ben, avec Uranus, Pluton, Saturne, je peux pas dire non que c'est meilleur que l'opposition. Moi, j'aime mieux personnellement avoir une opposition plutonienne qu'une conjonction plutonienne dans ma carte. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que devant la nature de la planète, comme exemple Pluton, qui est une planète de crise, une planète de réforme, une planète d'éclatement des systèmes de valeurs, quand vous l'avez conjoint à une planète, autre que le Soleil, là, disons, Lune, Mercure, quoi que ce soit, ça brasse tough, parce que on sait pas d'où ça vient, ça nous habite, on l'a collé sur le corps. La conjonction, dans le cas d'un effet de Pluton ou même d'Uranus, c'est l'effet est interne. Quand il est en opposition, ben, il est externe. On mange le coup, mais il est externe. Vous allez me dire, ça fait-tu le même effet? L'effet est proportionnel à la conscience qu'on a. Une personne pas consciente, l'effet est multiplié par 1000. Quand vous êtes conscient, vous diminuez par 1000. C'est-à-dire que vous diminuez l'effet physique et vous vivez mentalement le problème plutôt que physiquement le problème. En d'autres termes, la conscience diminue le problème dans toutes les considérations et diminue aussi l'effet d'engourdissement sur un avantage. Parce que les gens vont considérer un avantage planétaire comme étant une grande chance. C'est vrai que ça en est une dans la forme, tu sais, une augmentation de salaire, ci ou ça. Mais regardez une augmentation de salaire, ce que ça fait. Ça vous attache à l'entreprise. Fait que si l'objectif dans la vie, c'est d'être autonome, ben, d'avoir des avantages qui nous attachent à la forme, ça nous rend moins autonome. Donc, ce qu'on considère être un avantage, ça dépend de l'interprétation. Un être conscient, qu'on lui donne un avantage, il va être neutre parce qu'il va regarder les conséquences de l'avantage. Si on lui crée un problème, je sais pas, un conflit dans le travail quelconque, il peut même voir l'avantage de pouvoir sortir parce qu'il y a un problème. Il ne verra pas juste le désavantage de, je sais pas, une diminution de salaire ou un problème dans l'entreprise ou quoi que ce soit. Il va regarder tous les côtés de la médaille. Tandis qu'un être inconscient, lui, c'est tout carrément, bon, ben, la compagnie ne me paye pas, donc ça va mal, ou la compagnie me donne une augmentation de salaire, donc ça va bien. Mais ça, c'est très, très, très basique comme interprétation du problème. Quand vous êtes conscient, vous êtes neutre. Donc, quand c'est avantageux, vous regardez les conséquences positives, ça va de soi, et négatives, parce qu'il y en a. Puis quand ça va mal, ben vous regardez l'intelligence du mal. Moi, j'appelle ça comme ça parce que je me dis tout le temps, quand il y a un mauvais transit, ben il y a aussi une obligation de vivre d'une certaine façon avec le mauvais transit en question, qui n'est pas mauvais, mais qui fait simplement limiter quelque chose. Fait que l'évolution d'une position négative qui peut durer longtemps, je regarde présentement, là, Pluton est en Sagittaire, on est en 2003, pour ceux qui écoutent le CD en 2008, ben, c'est passé. Mais en 2003, Pluton est en Sagittaire, tous les Sagittaires font brasser le camarade pas mal. Ben, pour eux autres, théoriquement, ça va mal, mais en réalité, c'est la période la plus idéale, comme les Scorpions ont passé il y a 10-15 ans, pour forger leur identité, pour confirmer leur identité, stabiliser leur identité. Donc, cette conjonction-là, en transit, ça va de soi, crée énormément de courants qu'on qualifierait de négatif parce que ça brise la psychologie sagittarienne là, pour l'instant. Ça la brise parce que ça lui enlève l'avantage de ses opportunités, ça lui enlève l'impression d'avoir une assurance dans tous les événements parce que c'est toujours comme, ça dure quand même un bon 15 ans, là, l'effet de Pluton en Sagittaire. Donc, tous les Sagittaires sont affectés longtemps de cette situation-là, mais ça forge l'identité. Donc, c'est comme aller dans l'armée, c'est pas drôle, ils vous font vivre un entraînement épouvantable. Ils vous exposent au niveau de votre vie personnelle énormément. Par contre, vous tirez toutes sortes d'avantages financiers, toutes sortes d'avantages au niveau développement de votre personnalité et de votre caractère, qui fait qu'un gars qui revient d'une guerre, il n'y a pas de misère à se trouver de l'ouvrage. Donc, il faut regarder le fait que dans les interprétations, la conjonction n'est pas nécessairement positive et pas nécessairement négative. Que ce que vous considérez de très positif, faites attention, mettez-vous en garde, parce qu'il y a quand même à regarder qu'un avantage, ça crée une certaine perturbation dans l'être et que ça peut l'attacher, ça peut l'engourdir à cause de l'avantage qu'il a. Et moi, j'ai remarqué souvent dans la vie, ça, je vous donne ça comme tuyau, que la survie, c'est la meilleure des motivations. Une personne qui est riche, tout d'un coup, perd énormément de motivation. Elle ne fait pas face à ses problèmes de relations publiques quand elle est riche, de la même façon que quand elle est pauvre. Quand vous êtes pauvre, vous êtes vulnérable. Quand vous êtes vulnérable, vous êtes moins sujet à avoir de l'ego. Si vous n'êtes pas sujet à avoir de l'ego, vous évoluez plus vite. Si vous avez des avantages financiers, vous pouvez vous cacher, vous maquiller, donc pas faire face à ce que votre ego a à affronter. Et vous pouvez vous donner pendant des années l'impression d'être au-dessus des autres. Donc, faites attention à l'effet de conjonction qui apparaît comme positif. Puis regardez les éléments négatifs comme des éléments de développement qui peuvent être très utiles, mais par des passages très difficiles. Donc, je répète, c'est d'être capable de voir les oppositions ou les conjonctions qui sont faites avec des planètes difficiles. Je pense ici à Saturne, Neptune, Uranus et Pluton, qui en conjonction ne rendent pas la vie très très facile, mais qui forgent énormément l'identité, qui obligent, et je veux bien signifier ce que ça veut dire le mot obliger, qui force littéralement la volonté de l'individu à se mettre en relation avec les autres pour s'en sortir. Parce que les effets de conjonction avec des grosses planètes comme Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, l'être n'est pas capable de régler ses problèmes tout seul, et c'est correct. Correct, ça veut dire que ça oblige l'individu à sortir de sa tanière et à se mêler à son environnement pour justement favoriser son développement. L'autre volet, c'est-à-dire les sextiles, les trigones et les quadratures. Il y a des gens qui vont se poser la question, comment on peut voir une quadrature? Où tous les signes fixes sont en quadrature et un par rapport à l'autre en opposition. Exemple, le Soleil en taureau ou le Vénus en taureau va être en opposition avec une planète en scorpion, mais en quadrature avec le Verseau et le Lion. Quand vous voulez identifier une quadrature, pensez aux signes par groupe, comme les signes fixes. Taureau est en carré avec le Verseau et le Lion, et en opposition avec le Scorpion. Et le Lion est en quadrature avec le Taureau et le Scorpion, et en opposition avec le Verseau, etc. Vous allez prendre les signes doubles, qui sont le Gémeaux, le Sagittaire, la Vierge et le Poisson. Ils sont dans le même principe. Poisson va être en carré avec le Gémeaux et le Sagittaire et en opposition avec la Vierge, etc. Les signes mutables, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, sont en quadrature étant des signes mutables. Les sextiles, c'est tous ceux qui ne sont pas en trigone pas en opposition, qui sont des signes exemple positifs ensemble. Un Verseau et un Bélier, c'est en sextile. Un taureau et un poisson, c'est en sextile. Donc, les sextiles, c'est les signes négatifs entre eux, indépendamment des trigones, ça va de soi. Et c'est les signes positifs entre eux. Les signes positifs étant les signes de feu et les signes d'air. Et les signes négatifs étant les signes de terre et d'eau. Évidemment, il faut savoir jouer avec les symboles. Là. Qu'est-ce qui est Verseau, qu'est-ce qui est taureau dans une carte du ciel. Et comprendre que sextile, c'est 60 degrés, qu'un carré, c'est 90 degrés, qu'une opposition, c'est 180 degrés, et qu'une conjonction, c'est un orbe de 5 degrés. Je donne un orbe de 5 degrés avant et après la position, c'est-à-dire, disons, exemple, 15 degrés du taureau. Vous allez avoir un orbe jusqu'à 20 degrés, puis jusqu'à 10 degrés. Pour l'opposition et la conjonction, je donne ça. Et pour le carré, je donne 4 degrés. En ce qui me concerne, et le sextile 3 degrés. 3 degrés avant, 3 degrés après. Y a-t-il une différence entre un sextile et un trigone? La réponse est oui. Le sextile connecte avec des signes positifs ou négatifs et donc pas du même élément, tandis que le trigone est dans le même élément. Vous allez avoir un trigone entre le taureau, la vierge et le capricorne. Ça a un effet très accentué sur la terre dans ce cas-ci. Si c'est en eau, ben ça va être en eau. Si c'est en air, ça va être en air. Donc c'est évident que les aspects de trigone sont plus effectifs parce qu'ils sont plus dans le même élément. Tandis que quand vous touchez les sextiles, ben, vous avez inévitablement des aspects entre des signes positifs ou des signes négatifs. Exemple, des signes d'air et des signes de feu, et des signes d'eau et des signes de terre qui vont être en aspect de sextile. Donc, ça a un petit peu moins d'effet, ça reste positif, mais ça n'a pas le même effet parce que ça va être du feu et de l'air. Ça ne sera pas dans le même élément. On se pose la question, le carré, c'est-tu réellement vicieux comme effet? C'est le plus vicieux, c'est le plus dur. C'est relatif, remarqué, mais c'est l'effet de surprise du carré qui est surprenant. C'est qu'effectivement, quand on est dans des planètes en quadrature, on a, comme je le mentionnais, cet autre fichier, un effet de surprise parce que c'est comme si on roulait sur une route et puis qu'un autre auto qui n'a pas fait son stop sur une avenue perpendiculaire et puis il nous frappe de côté. Et ça, évidemment, on ne voit pas venir le coup. Donc, pour moi, la quadrature, elle est très vicieuse. Pour l'astrologue qui sait que ça vient, ça l'est un peu moins, mais il n'y a pas un astrologue qui peut dire à quelle minute, quelle journée que cet événement-là va se passer. Fait que, inévitablement, il est aussi pris par surprise que n'importe qui. Il est juste qu'il s'attend à quelque chose de peut-être un petit peu insidieux, mais on ne sait jamais vraiment quelle forme que ça prend. Ben malin, la personne qui va dire ça va se passer comme ça. Puis à ce moment-là, c'est pas un astrologue, c'est un médium. C'est sûr que quand vous allez faire une interprétation de la quadrature, dramatisez pas. La personne qui vient vous voir, elle vient pas se faire décourager, elle vient se faire interpréter une programmation quelconque pour comprendre sa vie, non pas pour se faire désenchanter de l'avenir. Donc c'est important, surtout quand vous faites des thèmes pour des enfants particuliers, de ne pas dramatiser. C'est pour ça que je dis, quand vous avez des quadratures, soyez assez intelligent pour comprendre la nécessité du mal. OK? Nécessité en voulant dire que c'est une occasion de prendre conscience d'une situation aiguë dans la vie qui doit forger la force de caractère d'une personne. Il n'y a personne qui veut être des mauviettes, qui veut être des petits oiseaux en vieillissant. Tout le monde va être fort, va être de l'autorité. Vous allez voir des films où ça fait du boum-boum, puis vous voulez tout avoir une puissance pour pouvoir vous exprimer. Mais pour avoir de la puissance, il faut faire face à des obstacles. Donc, c'est les quadratures, c'est les oppositions, c'est les conjonctions même avec des planètes difficiles qui donnent à ces gens-là une force de caractère extraordinaire. Fait que les gens que vous chérissez, que vous mettez comme des vedettes à vos yeux, c'est tous des gens qui ont beaucoup, beaucoup de quadratures dans le cœur du ciel. Les gens s'attendent à voir des présidents de compagnie ou des premiers ministres d'État avec des cartes juste avec des trigones. Vous rêvez en couleur. Moi, les gens que j'ai vus juste avec des bons aspects, il y avait des belles vies, mais il y avait des vies qui étaient légères. T'sais. C'était pas trop dense, mettons. Il fallait attendre les gros transits, justement, de Pluton, d'Uranus, qui passaient dans des aspects ou des dynamiques de leur carte pour que ça brasse un peu, pour qu'au moins dans leur vie, ils puissent sentir qu'il y avait des oppositions. Donc, j'applique beaucoup dans cet aspect-là parce que les quadratures sont toujours interprétées à tort comme étant les apocalypses d'une vie. C'est vrai que c'est pas drôle, mais je peux vous dire que avant de commencer à faire du drame avec l'interprétation, essayez de regarder sérieusement les avantages de pouvoir passer à travers un événement difficile et d'apprendre là-dedans. Si vous comprenez ça, ben vous allez pouvoir faire des interprétations qui vont être beaucoup plus objectives, qui seront beaucoup moins à l'eau de rose que les interprétations que j'ai entendues dans mon expérience de vie. L'autre aspect intéressant, c'est que la quadrature, dans son effet de surprise, va aller tester les ondes d'inertie d'une personne. Une personne qui est très inerte va encaisser une quadrature beaucoup plus difficilement qu'un autre qui est actif. Dans un accident, d'ailleurs, c'est toujours prouvé que c'est la personne qui se fait frapper qui a le plus de dommages, que la personne qui frappe a moins de dommages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui est inerte prend plus de dégâts que la personne qui, sans le vouloir, frappe. Donc, la personne qui est active a plus de chances de s'en sortir dans une quadrature que la personne qui est inepte. Les gens qui attendent continuellement, ils sont extrêmement défensifs, mais leur côté défensif a l'élément extrêmement négatif que quand ils encaissent un coup, c'est double et triple de perte par rapport à celui qui est actif, qui lui s'expose plus curieusement. C'est comme si je vous dirais, la protection active est plus intelligente que la protection négative. S'il y a lecture ou interprétation d'une quadrature, qui est généralement perçue en astrologie comme le drame, soyez toujours assez rapide de l'œil pour voir si c'est un signe négatif ou positif. Puis si c'est un signe négatif, dites à la personne que c'est très très très important qu'elle ait un momentum de réaction qui soit court, que la personne passe aux actes rapidement, qu'elle n'attende pas s'il y a un problème. Tu sais, genre, il y a des gens, des fois, ils ont un accident, puis ils attendent 3 jours avant d'aller à l'hôpital. Bon, ben ça, c'est une attitude défensive, négative, qui est très nocive. C'est préférable d'affronter le problème le plus rapidement possible, plutôt que d'attendre. Vous n'auriez aucun avantage dans une quadrature à attendre de régler quoi que ce soit. Il faut être proactif sur une quadrature, surtout une quadrature. Une opposition, ce n'est pas tout à fait pareil, parce que quand vous êtes exposé à une opposition, en général, vous êtes exposé à quelque chose que vous savez que ça va cogner. Donc, vous avez déjà une tension, que ce soit positif ou négatif, vous avez tendance à vous placer en situation d'attaque ou de défense, dépendant de la nature de l'opposition, de façon rapide. Bon, si vous avez un ouragan ou la crise du verglas, c'est assez difficile de ne pas réagir pour se protéger, mais dans le sens de réagir pour s'acheter une génératrice ou faire quelque chose, en tout cas, qui va enlever la limitation que l'événement va créer dans une heure ou dans une journée. Donc, ça, c'est assez facile à voir. Par contre, quelque chose qui n'est pas prévu, une grosse panne d'électricité qui s'en vient, puis qu'on se dit, oh, ça va être réglé dans une heure, et puis ça dure 3 jours, une semaine, c'est sûr que le lendemain ou dans 4-5 heures, si vous n'avez pas votre temps de réaction assez rapide, vous allez vous ramasser avec un problème qui peut être très grave au niveau, exemple, perdre toute votre frigidaire ou perdre bien des choses. Donc, c'est important de comprendre que la quadrature, il faut avoir un temps de réaction court. Surtout si vous savez d'avance qu'il y a de mauvais aspects qui se placent ou des aspects, comme je le mentionne, de quadrature qui se placent dans votre cap, puis que vous savez à peu près dans quelle période de l'année ou même dans quel mois ça va déclencher par l'effet des transits, ben vous avez avantage là en étant prévenu à ne pas niaiser. Les trigones maintenant et les sextiles, je les embarque un petit peu dans le même beat, sont considérés comme les aspects les plus avantageux du zodiaque. Pourquoi? Parce qu'ils combinent deux signes en avantage. Bon, c'est sûr, c'est les éléments. On connaît les trigones, exemple, par les éléments feu, air, terre, eau. Tous les signes de feu sont en trigone un par rapport à l'autre. Tous les signes d'air sont en trigone par rapport à un à l'autre. Les signes de terre, les signes d'eau, la même chose. Donc, les trigones, ça favorise un élément. Un élément air, un élément feu, un élément terre, un élément eau. Ça favorise un de ces éléments-là. Le trigone est un avantage pour cet élément-là. Les deux signes qui en font partie, ben, sont inévitablement ceux qui vont mettre en relief un potentiel et une ressource. Quand les gens disent, ben, je veux développer un talent, je veux développer une opportunité, je veux développer quelque chose dans ma vie qui est caché ou qui n'a pas été révélé encore, comme on dit, au grand public, ben, qui regardent les aspects en trigone, surtout en premier, puis les aspects en sextile en deuxième. C'est à travers ces trigones et ces sextiles que vous pouvez même identifier le ou les types de professions que vous êtes aptes à opérer. Parce qu'il y a un courant d'énergie qui favorise, à ce moment-là, une dynamique X dans votre vie. Vous voulez savoir si vous avez un talent dans un domaine? Ben, il y a les planètes dans les angles des maisons, c'est-à-dire la maison 10, la maison 4, la maison 7 et l'ascendant. Et vous avez les trigones. Vous voulez savoir quel problème vous allez avoir dans votre profession ou dans votre couple? C'est les quadratures, surtout s'ils sont avec les angles de la carte. Avec les angles de la carte, je répète, c'est l'ascendant, la maison 7, la maison 10 qui est la maison de la carrière et la maison 4 qui est la maison de l'intimité. Et si vous avez des quadratures là-dedans, ben, dites-vous que ça va être rock'n'roll dans votre vie. si vous avez des trigones là-dedans, ben dites-vous que ça va être un avantage à développer, à partager avec d'autres au cours de votre vie. Les sextiles, comme je l'ai dit, ça accompagne le jeu des trigones, ça favorise énormément la rythmique de développement de ces ressources-là. C'est sûr que dans les gens qui ont la chance d'avoir des trigones, vous allez avoir des moments faciles et que même quand tu vas avoir des transits négatifs, des transits en quadrature ou en conjonction des planètes lourdes qui vont passer sur vos trigones, à cause que vous avez un trigone, ça va être moins pire. La réforme va se faire pareil, la crise va se faire pareil, mais vous allez être éclairé soit parce que vous allez avoir un bon environnement pour vous conseiller, soit que vous allez avoir développé la maturité ou l'intelligence pour bien lire les événements. Et ça va vous donner la chance de pouvoir saisir et situer qu'est-ce qu'il faut faire pour se délivrer de la situation si elle doit durer. Si on parle l'exemple de Pluton qui dure quand même longtemps, bien, quand ça doit durer longtemps, bien, puis que vous avez des trigones qui vont jouer avec l'aspect du transit, bien, je pense exemple à Pluton qui est en Sagittaire présentement, bien, si la personne a un soleil en Sagittaire, en trigone avec Jupiter ou en trigone avec Uranus, disons, dans son ciel natal, bien, même si Pluton cogne fort, bien, cet avantage-là d'avoir ce trigone-là neutralise ce problème. Par contre, si vous avez Pluton qui passe en transit puis que vous êtes en quadrature, là, allez vous acheter un équipement de hockey, n'importe quoi. Là, ça demande d'être bien padé, ça demande d'être réellement protégé parce que là, ça cogne. Parce que là, l'effet de transit, qui est déjà en soi perturbant, s'ajoute à la carte du ciel qui est déjà potentiellement perturbée à cause de ces quadratures-là.